Baby, écrit se raconte une chanson pour le dire. Y'a des mauvaises images pour le décrire. Elle rencontre l'ancienne. Ma flash, y'a de magie sur scène. Le rite de reste terminé. Une belle collabo, des bons frites, fallait pour s'en rappeler. Cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux dans ton art, baby. T'es soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme. Like you, pour m'emmener au bout du monde. É mafiosa, salto novo e bolsa nova. É

reflection. What's your reflection? What's your reflection? What's your reflection? Find your direction.

plongé dans le mix de Ludovic. We'll be right back. the mix. Unity, love, a revolution. for your mind, your body, and I got something for your mind, your body. Drop that beat. Ludovic. Mix by Ludovic. Thank you.